side. En saison, à colorer, couler à la vie, Poutissa. À d'un moment, tout ça changeait. Ça qui était nous, c'était différent, c'est clair. Oh là, ou pas besoin de faire ton boulot. On dit que ta chimère pour nous t'aider. Je paie en mer, Fabiola. Mais gardez chance, Timouna, car il y a une la vie, Fabiola.